Chapitre 10e. De fer et d'or. Mr. Thornton partit de chez lui sans rentrer dans la salle à manger. Il se faisait déjà tard et il se dirigea d'un pas rapide vers Crampton, ne voulant pas faire preuve d'une inexactitude peu respectueuse envers son nouvel ami. 7h30 sonnait. Comme il attendait à la porte de ses hôtes que Dixon vint lui ouvrir, fonction dont elle s'acquittait toujours avec autant de répugnance que de lenteur. Il fut introduit dans le petit salon, où Mr. Hay le reçut affectueusement et le présenta à sa femme, dont l'abattement et la pâleur servirent d'excuse silencieuse à la froideur de son accueil. Marguerite alluma la lampe au moment où il entra. Une douce lumière éclaira le milieu du salon, où les ténèbres commençaient à se répandre, et n'ôta pas la vue du ciel et des étoiles, car, suivant l'usage de la campagne, on laissa les contrevents ouverts pendant toute la soirée. La pièce où Mr. Thornton venait d'arriver formait un contraste frappant avec celle qu'il avait quittée quelques instants auparavant, et qui, malgré son étendue et le prix de ses meubles, n'offrait aucune des commodités de la vie. Il est vrai que c'était une salle à manger. Toutefois, la mère de Mr. Thornton l'habitait de préférence, et l'on n'y voyait aucun vestige de la présence d'une femme. Le salon ressemblait également bien peu à celui-ci, mais s'il était 20 fois plus beau, il s'en fallait d'autant qu'il fût aussi confortable. Ici, pas une glace, pas un miroir qui reflétât la lumière et qui fût dans cette chambre ce qu'un lac est dans un paysage. Pas de dorure, un papier de couleur peu voyante, relevé par les rideaux et les housses de toile perse à portée de ce cher Hailstone. Devant la fenêtre, qui était en face de la porte, se trouvait une petite chiffonnière. Dans l'embrasure de la seconde, un guéridon sur lequel était un grand vase de porcelaine d'où retombaient des guirlandes de lierre, des branches de bouleau d'un vert pâle et des feuilles de hêtre d'un rouge cuivré. De jolis paniers à ouvrage et des livres dont la reliure n'était pas le seul mérite étaient posés sur une table sans prétention aucune. Derrière la porte, sur une autre table, couverte d'une nappe blanche préparée pour le thé, s'élevaient en pyramide les fameux gâteaux de chocolat, des oranges et des pommes de Calville rouges entremêlées de feuillages. Il semblait à Mr. Thornton que tous ces soins gracieux étaient dans les habitudes de la famille et qu'ils faisaient partie de la nature de Miss Hale. Marguerite, vêtue d'une robe de mousseline blanche et rose, se tenait debout auprès de la table à thé. Elle ne paraissait pas entendre la conversation et semblait ne s'occuper que des tasses qu'elle remuait de ses doigts d'ivoire sans faire le moindre bruit. Un bracelet d'or glissait à chaque instant de son bras effilé et entourait son poignet délicat d'un anneau beaucoup trop large pour la place qu'il occupait. Mr. Thornton la regardait replacer cet insupportable anneau avec beaucoup plus d'attention qu'il n'en accordait aux paroles de Mr. Hale. La vue de Marguerite remontant avec impatience jusqu'à ce qu'il lui serra sa peau si fine, ce cercle d'or qui redescendait lentement pour retomber tout à coup paraissait le fasciner, et il se sentait constamment sur le point de s'écrier « Le voilà qui retombe encore !» Il restait si peu de choses à préparer lorsqu'il était arrivé qu'il regretta que l'obligation de boire et de manger vint aussitôt mettre un terme à sa contemplation. Marguerite, en lui servant du thé, avait l'air fière d'un esclave qui obéit à la force, mais d'un regard attentif, elle saisit le moment où il fut prêt à recevoir une seconde tasse. Il aurait bien voulu pouvoir faire comme Mr. Hale, qui, prenant de sa main masculine le pouce et le petit doigt de sa fille, les plongea dans le sucrier en guise de pince à sucre. Ce geste, qu'ils croyaient tous les deux inaperçu, fit sourire Marguerite, et Mr. Thornton vit la jeune fille lever vers son père, ses beaux yeux pleins de tendresse. Elle avait toujours un violent mal de tête, ainsi que le prouvaient sa pâleur et son silence. Mais elle était bien décidée à prendre la parole plutôt que de laisser à l'ami de son père le droit de penser qu'il était mal reçu. Toutefois, la conversation était si activement engagée entre le maître et l'élève que Marguerite se retira auprès de sa mère dès qu'on eut desservi la table à thé et sentit qu'elle pouvait se livrer à ses méditations sans crainte d'avoir besoin d'en sortir pour rompre un silence qui eût été embarrassant. Mr. Thornton et Mr. Hale étaient absorbés par un entretien dont l'origine remontait à leur dernière entrevue. Marguerite fut rappelée au sentiment de la réalité par quelque observation frivole que sa mère lui fit à voix basse. Elle leva les yeux tout à coup et fut frappée de la différence qui existait entre l'extérieur de son père et celui de Mr. Thornton, différence qui révélait au moral de nature opposée. Son père était mince et paraissait d'une taille plus élevée qu'il ne l'était réellement. Les lignes de son visage étaient douces, indécises, et chaque pensée leur imprimait un léger tremblement qui en modifiait l'expression fugitive. Ses paupières, larges et arquées, donnaient à ses yeux une beauté languissante et presque féminine, et l'arc de ses sourcils, parfaitement dessiné, se trouvait rejeté à une distance considérable des yeux par la grandeur de ses paupières rêveuses. Chez Mr. Thornton, au contraire, les sourcils droits tombaient sur des yeux transparents, attentifs, profondément enfoncés, qui, sans être perçants, paraissaient néanmoins pénétrer jusqu'au fond de l'âme de celui qu'il regardait. Les plis du visage étaient peu nombreux, mais ils avaient la fermeté du marbre. On les trouvait principalement à l'entour de la bouche, légèrement comprimés sur deux rangées de dents tellement belles qu'elles produisaient l'effet du soleil entre les nuages, quand un rare sourire entr'ouvrait tout à coup les lèvres, faisait briller le regard, et transformant la physionomie de cet homme toujours prêt à l'action et à la lutte, donnait à ce visage énergique et sévère l'expression de joie rayonnante que les enfants seuls montrent avec cet abandon et cette spontanéité. Ce radieux sourire fut la première chose que Marguerite admira dans le nouvel ami de son père, et l'opposition tranchée qu'elle remarquait entre la nature de ces deux hommes lui expliquait l'attrait évident qu'ils avaient l'un pour l'autre. Elle releva les mailles du tricot de sa mère et s'abandonna de nouveau au cours de ses pensées. Mr. Thornton l'avait aussi complètement oublié que s'il n'eût pas été dans le salon. Il expliquait à Mr. Hale la force du marteau à vapeur, l'admirable précision qui permettait de faire l'emploi le plus délicat de cette puissance formidable. Et son auditeur ne pouvait s'empêcher de songer à la faculté merveilleuse de ces génies des mille et une nuits qui, à un moment donné, remplissent tout l'espace qui sépare le ciel de la terre et qui, l'instant d'après, se renferment dans un vase assez petit pour être porté par un enfant. Et dire, ajouta Mr. Thornton avec enthousiasme, que la pensée d'une semblable puissance, la réalisation pratique de cette idée gigantesque, est sortie du cerveau d'un habitant de notre bonne ville. Dire que l'homme a eu, lui, la sublime faculté de se faire un degré de chaque merveille qu'il a créée, pour s'élever à des merveilles plus hautes, et qu'il en ait un grand nombre parmi nous qui, s'ils avaient pu faire le premier pas, se seraient lancés sur la brèche et auraient glorieusement combattu dans cette guerre qui soumettra la matière à la science. Vos paroles, tant soit peu vaniteuses, me rappellent cette vieille ballade, dit Mr. Hale. J'ai en Angleterre 100 capitaines aussi braves qu'on n'ait jamais pu l'être, etc., etc. En entendant cette citation, Marguerite releva les yeux d'un air interrogateur. Comment se faisait-il qu'à propos de roues et d'engrenages, ils en fussent arrivés à citer Chevy Chase ? Ce n'est pas vanité de ma part, répondit Mr. Thornton. C'est l'énoncé pur et simple d'un fait immense. Je ne nie pas d'ailleurs le juste orgueil que j'éprouve d'appartenir à une ville, je dirais plus à un comté, dont les besoins ont fait naître de pareilles conceptions. J'aimerais mieux travailler de mes mains, souffrir, échouer même dans ce pays laborieux, que de mener une vie aussi prospère qu'inutile et monotone dans ces vieux manoirs du Sud où l'aristocratie, comme vous rappelez, traîne des jours d'une lenteur désespérante au milieu d'un luxe dont elle ne jouit même pas, empêtrée dans du miel qui l'empêche de voler et de marcher. Vous êtes dans l'erreur, monsieur, dit Marguerite, à qui cette diatribe contre le Sud avait fait monter le rouge au visage et les larmes aux paupières. Vous ne connaissez pas la région dont vous parlez, poursuivit-elle d'un accent plein de véhémence. Si la vie est moins aventureuse dans les comtés du Sud que dans le vôtre, si la passion du jeu, qui est l'âme du commerce, n'y fait pas jaillir des esprits ces inventions merveilleuses dont vous parliez tout à l'heure, il y a là-bas moins de souffrance que dans ce pays de négoce. Je rencontre dans vos rues, monsieur, des hommes dont l'inquiétude et la douleur abaissent les yeux vers la terre, des hommes qui ne souffrent pas seulement mais qui haïssent. Dans le Sud, nous avons aussi nos pauvres, mais on ne voit pas sur leur visage cette terrible expression que le sentiment de l'injustice met dans les yeux des vôtres. « Vous ne connaissez pas le Sud, monsieur Thornton ?» Et Marguerite, mécontente d'elle-même et se reprochant d'avoir été aussi loin, retomba dans le silence qu'elle avait gardé jusque-là. « Pouvez-vous dire que vous connaissez le Nord ?» lui demanda Mr. Thornton avec une voix d'une douceur inexprimable, car il sentait qu'il l'avait profondément blessée. Elle ne répondit pas. Elle souffrait trop vivement au souvenir de la délicieuse retraite qu'elle avait laissée dans le Hampshire pour que sa voix tremblante ne trahît pas l'émotion qu'elle éprouvait. « Vous avouerez cependant, Monsieur Thornton, » dit Mrs. Hale, « que cette ville est infiniment plus sale et plus noire que pas une des comtés du Sud. » « Je vous le concède volontiers, » répondit Mr. Thornton avec son radieux sourire. « Mais le Parlement nous a donné l'ordre de brûler notre fumée, et je suppose que nous obéirons un jour comme de bons petits enfants. Ne m'avez-vous pas dit que vous aviez déjà modifié vos cheminées pour atteindre ce résultat ?» lui demanda Mr. Hale. « Oui, je l'avais fait de mon propre mouvement avant que la Chambre se mêlât de cette affaire. C'est une avance importante, mais dont m'aura bientôt remboursé l'économie que je fais sur le charbon. Toutefois, je ne suis pas sûr que je me serais soumis à la loi si elle avait été rendue avant cette opération. Du moins, j'aurais attendu qu'on m'eût déclaré un procès, qu'on m'eût mis à l'amende enfin, qu'on eût épuisé, pour m'y contraindre, toute l'artillerie légale. Les mesures qui ont besoin d'enquête, de procès et d'amende pour aboutir sont nécessairement frappées d'inertie par l'odieux du procédé. Je ne crois pas même qu'il y ait une seule cheminée dans Milton qui n'ait été l'objet d'une sommation depuis 5 ans passés que la loi est en vigueur, bien qu'elles perdent tout un tiers de leur charbon en fumée contre-parlementaire, comme on l'appelle ici. Tout ce que je sais, reprit Mrs. Hale, c'est qu'il est impossible de conserver les petits rideaux de mousseline plus d'une semaine sans les blanchir, et qu'à Hailstone, où ils restaient un mois et plus aux fenêtres, ils n'ont jamais été aussi noirs qu'ils le sont dans cette ville au bout de 8 jours. Et ne m'as-tu pas dit que ce matin tu avais été obligée de te laver les mains 3 fois avant midi, Marguerite ? Oui, maman. Il paraît qu'Hamilton, vous n'aimez pas à vous soumettre aux actes du Parlement qui interviennent dans vos affaires, dit Mr. Hale. Non, assurément. J'y ai, quant à moi, une assez vive répugnance, que partagent beaucoup d'autres, et ce n'est pas sans raison. L'industrie cotonnière est encore trop nouvelle parmi nous pour fonctionner régulièrement. Qu'était-elle il y a 70 ans et qu'est-elle aujourd'hui? Des matériaux informes ont été rassemblés, des hommes que l'éducation et la naissance plaçaient au même niveau, prirent tout à coup les positions bien différentes de maîtres et d'ouvriers, n'ayant, comme Richard Arkwright, pour faire face aux circonstances et peser les probabilités, que le bon sens qui distinguait quelques-uns d'entre eux et qui leur permit de sonder l'avenir dans ce qu'il a de plus caché. Le développement rapide de cette industrie nouvelle donna, comme richesse et comme autorité, un pouvoir énorme à ses premiers patrons, non seulement sur les ouvriers qu'ils employaient, mais encore sur les acheteurs, sur les marchés du monde entier. Jugez-en par cet avertissement inséré dans la Gazette de Milton il n'y a pas 50 ans. Messieurs tel et tel, une 12 douzaine d'imprimeurs surindiennes de l'époque, fermeront leurs magasins tous les jours à midi. Tous ceux qui auront à faire des achats devront donc se présenter au comptoir de messieurs tel et tel avant l'heure indiquée ci-dessus. Voyez un peu la différence. Aujourd'hui, s'il plaisait à une pratique importante de venir à minuit chez moi, je me lèverai immédiatement et je recevrai ses ordres le chapeau à la main. » La lèvre supérieure de Marguerite se plissa dédaigneusement, mais quelle que fût l'impression de la jeune fille, il lui devenait impossible de ne pas prêter l'oreille à la conversation. « J'ai mentionné ce fait pour vous montrer la puissance dont jouissaient les manufacturiers au commencement de ce siècle, » poursuivit Mr. Thornton. Un pareil succès ne tarda pas à leur donner le vertige. De ce qu'un homme réussit dans le commerce, ce n'est pas une raison pour qu'il y ait équilibre dans ses facultés. La fortune étouffe souvent, au contraire, son équité naturelle et lui fait perdre sa simplicité primitive. On fait d'étranges récits du luxe effréné que déployaient ces lords du coton dans leurs jours de gala, et malheureusement, on ne peut pas douter de leur despotisme envers leurs ouvriers. Vous connaissez le proverbe « Mettez un gueux à cheval, il ira trouver le diable ». Quelques-uns de ces riches industriels y coururent effectivement avec magnificence, broyant sans remords la chair sanglante sous les pieds de leurs chevaux. Mais la réaction arriva. De nouvelles filatures se construisirent, les patrons se multiplièrent, les ouvriers devinrent plus nombreux. Ils finirent par balancer la puissance des patrons, et la bataille est maintenant engagée entre eux et nous. C'est à peine si nous voudrions accepter la décision d'un arbitre. Comment, dès lors, nous soumettre à l'intervention d'un tiers, qui ne peut avoir qu'une connaissance superficielle des faits, quand même cet intrus s'appellerait le Parlement ? Le mot « bataille » est-il bien celui qui convienne pour exprimer la situation respective des deux classes ? Demanda Mr. Hale. Oui. Je crois aussi nécessaire de l'employer pour caractériser la situation des deux parties, qu'il est prudent et sage de combattre le vice et l'ignorance. L'un des magnifiques avantages de notre système est de permettre à un ouvrier de s'élever, par sa conduite et son travail, à une position supérieure. Car en fait, celui d'entre eux qui est sobre, laborieux, qui en un mot remplit bien tous ses devoirs, peut arriver à se faire une place à côté de nous, sinon comme patron lui-même, du moins comme caissier, contremaître, teneur de livres, commis quelconque, enfin, à se placer du côté de l'autorité. « Si je vous comprends bien, » dit Marguerite d'une voix froide et claire, « vous considérez comme vos ennemis tous les ouvriers qui, par une cause ou par une autre, n'ont pas pu s'élever au-dessus de leur position primitive. » Comme leurs propres ennemis, répondit-il, vivement piqué de la hauteur qu'elle avait mise dans cette observation. Mais bientôt après, sa droiture lui fit sentir qu'il n'avait répondu au raisonnement de la jeune fille que par un misérable jeu de mots, et qu'il était de son devoir de lui expliquer sa pensée. Toutefois, il lui était difficile de se justifier de l'interprétation que Marguerite avait donnée à ses paroles, à moins de s'appuyer d'un exemple tiré de sa propre histoire. Mais n'était-ce pas trop personnel pour en parler à une famille qu'il ne connaissait pas? C'était cependant la manière la plus simple de s'expliquer, et mettant de côté la réserve qui l'avait fait rougir. « C'est d'après ma propre expérience, dit-il, que je parlais tout à l'heure. Mon père mourut il y a 16 ans dans les circonstances les plus misérables. J'étais en pension. J'en sortis immédiatement, et il me fallut passer en quelques jours de l'insouciance de l'enfant aux inquiétudes de l'homme. J'avais une mère comme peu de fils ont le bonheur d'en posséder, une mère pleine de cœur et de fermeté. Nous allâmes nous établir dans un gros bourg, où la vie était moins chère qu'à Milton, et où j'obtins une place de commis chez un drapier, place excellente, par parenthèse, pour apprendre à connaître les marchandises. Notre revenu s'élevait à 16 shillings par semaine, sur quoi il fallait prélever ce qui était indispensable aux besoins de 3 personnes. Ma mère fit si bien que j'économisais régulièrement 3 shillings sur les 16 que j'ai gagnais tous les 8 jours. Ce fut le commencement de ma fortune, et c'est ainsi que j'ai appris à faire abnégation de moi-même. Aujourd'hui, je peux entourer ma mère de tout le bien-être que réclame son âge, plutôt que son propre désir. Je la remercie intérieurement des premières habitudes qu'elle m'a fait contracter. Et lorsque, me prenant pour exemple, je considère que ce n'est pas au hasard, au talent, au mérite personnel, mais simplement au genre de vie que j'ai mené dans ma jeunesse, que je dois de savoir me priver sans regret des biens que je ne peux pas me procurer. Je crois que la souffrance dont parlait Miss Hale tout à l'heure, et qu'elle disait avoir remarqué sur le visage des ouvriers de Milton, n'est que le châtiment naturel des plaisirs déshonnêtes dont ils ont joui à une autre époque. Et si je ne trouve pas digne de ma haine les gens qui ne savent rien se refuser, j'ai tout au moins du mépris pour la pauvreté de leur caractère. Vous aviez reçu les principes d'une bonne éducation, fit observer Mr. Hale. Le plaisir que vous trouvez à la lecture de l'Iliade est une preuve qu'Homère ne vous est pas inconnu. Vous l'avez étudié autrefois, et en le relisant aujourd'hui, vous ne faites que vous rappeler ce que vous avez su jadis. Oui, lorsque j'étais en pension, j'ai écorché du grec et du latin. J'étais même, à ce qu'on disait alors, assez avancé dans mes études. Mais je vous le demande, à quoi cela pouvait-il me servir dans la vie qu'il me fallait mener désormais? Absolument à rien. Tout individu sachant lire et écrire était certainement sur la même ligne que moi, relativement au degré d'utilité des connaissances que je possédais à cette époque. Je ne suis pas de votre avis. Peut-être y a-t-il en moi du pédagogue, mais la noble simplicité des héros d'Homère, dont vous pouviez garder le souvenir, ne soutenait-elle pas votre courage ?»« Pas le moins du monde, » s'écria Mr. Thornton en riant. « J'étais bien trop occupé des vivants et du pain quotidien pour me souvenir des morts. À présent que ma vieille mère jouit en paix de la récompense de ses efforts, je peux tourner mon esprit vers les récits du passé et profiter à loisir des jouissances qu'il me donne. » « Je dois dire, » reprit Mr. Hale, « que mon observation est venue de cette idée toute pédagogique que rien n'est tel que la férule pour former le caractère. » Lorsque Mr. Thornton se leva pour partir, il échangea une poignée de main avec Mr. et Mrs. Hale. Puis il s'avança vers Marguerite pour lui dire adieu de la même manière. C'était l'habitude à Milton. Marguerite ne s'y attendait pas. Elle s'inclina simplement et ne s'aperçut de l'intention qu'avait eue Mr. Thornton que lorsqu'elle vit la main qui lui tendait se retirer précipitamment. Elle regretta de ne l'avoir pas vu plus tôt, mais Mr. Thornton ignora son chagrin, et se redressant de toute sa hauteur, il quitta la maison en se disant à lui-même « Je n'ai jamais vu de fille plus fière et plus désagréable. Ses façons méprisantes effacent de votre mémoire jusqu'à sa grande beauté. »